Les frères Corses, chapitre 14. Le lendemain, ou plutôt le jour même, j'étais à 10 heures du matin à la porte de M. Louis de Franqui. Comme je montais l'escalier, je rencontrai deux jeunes gens qui descendaient. L'un était évidemment un homme du monde, l'autre décoré de la Légion d'honneur, paraissait, quoique habillé en bourgeois, être un militaire. Je me doutais que ces deux messieurs sortaient de chez M. Louis de Franqui, et je les suivais des yeux jusqu'au bas de l'escalier. Puis je continuai mon chemin, et je sonnai. Le domestique vint m'ouvrir. Son maître était dans son cabinet. Lorsqu'il entra pour m'annoncer, Louis, qui était assis et occupé à écrire, retourna la tête. « Et justement, » dit-il en tordant le billet commencé et en le jetant au feu, « ce billet était à votre intention, et j'allais l'envoyer chez vous. »« C'est bien, Joseph, je n'y suis pour personne. » Le domestique sortit. « N'avez-vous pas rencontré deux messieurs sur l'escalier ?» continua Louis en avançant un fauteuil. « Oui, dont l'un est décoré. »« C'est cela même. Je me suis douté qu'il sortait de chez vous. »« Et vous avez deviné juste. »« Venait-il de la part de monsieur de Château-Renaud ?»« Ce sont ses témoins. »« Ah, diable, il a pris la chose au sérieux, à ce qu'il paraît. »« Il ne pouvait guère faire autrement, vous en conviendrez, » répondit Louis de Franqui. Et il venait me prier de leur envoyer deux de mes amis pour causer d'affaires avec eux. C'est alors que j'ai pensé à vous. Je suis très honoré de votre souvenir, mais je ne puis me présenter seul chez eux. J'ai fait prier un de mes amis, le baron Giordano Martelli, de venir déjeuner avec moi. À 11 heures, il sera ici. Nous déjeunerons ensemble. Et à midi, vous aurez la bonté de passer chez ces messieurs qui ont promis de se tenir chez eux jusqu'à 3 heures. Voici leurs noms et leurs adresses. Louis me présenta deux cartes. L'un s'appelait le baron René de Châteaugrand, l'autre, Monsieur Adrien de Boissy. Le premier demeurait rue de la Paix, numéro 12. Le second, qui, ainsi que je m'en étais douté, appartenait à l'armée, était lieutenant aux chasseurs d'Afrique et demeurait rue de Lille, numéro 29. Je tournai et retournai les cartes dans ma main. « Eh bien, « qu'y a-t-il qui vous embarrasse ?» demanda Louis. « Je voudrais savoir bien franchement de vous, si vous regardez cette affaire comme sérieuse. Vous comprenez que toute notre conduite se réglera là-dessus. »« Comment donc ? Comme très sérieuse !»« D'ailleurs, vous avez dû l'entendre, je me suis mis à la disposition de M. de Château-Renaud, et c'est lui qui m'envoie ses témoins. Je n'ai donc qu'à me laisser faire. »« Oui, certainement, mais enfin... » « Achevez donc !» reprit Louis en souriant. « Mais enfin faudrait-il savoir pourquoi vous vous battez? On ne peut pas voir deux hommes se couper la gorge sans savoir au moins le motif du combat. Vous le savez bien, la position du témoin est plus grave que celle du combattant. Aussi je vous dirai en deux mots la cause de cette querelle. La voici. » À mon arrivée à Paris, un de mes amis capitaine de frégate me présenta à sa femme. Elle était belle, elle était jeune. Sa vue me fit une impression si profonde que, craignant d'en devenir amoureux, je profitai le plus rarement que je pus de la permission qui m'était accordée de venir à toute heure dans la maison. Mon ami se plaignait de mon indifférence, et alors je lui dis franchement la vérité, c'est-à-dire que sa femme était trop charmante en tout pour que je m'exposasse à la voir souvent. Il sourit, me tendit la main et exigea que je vinsse dîner avec lui le jour même. « Mon cher Louis, me dit-il au dessert, je pars dans 3 semaines pour le Mexique. Peut-être resterai-je absent 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être plus longtemps. Nous autres marins, nous connaissons quelquefois l'heure du départ, mais jamais celle du retour. Je vous recommande Émilie en mon absence. « Émilie, je vous prie de traiter Louis de Franqui comme votre frère. » La jeune femme répondit en me tendant la main. J'étais stupéfait, je ne sus que répondre, et je dus paraître fournier à ma future sœur. 3 semaines après, effectivement, mon ami partit. Pendant ces 3 semaines, il avait exigé que je vinsse dîner en famille avec lui au moins une fois par semaine. Émilie resta avec sa mère. Je n'ai pas besoin de dire que la confiance de son mari me l'avait rendue sacrée, et que tout en l'aimant, plus que ne devait le faire un frère, je ne la regardais jamais que comme une sœur. 6 mois s'écoulèrent. Émilie demeurait avec sa mère, et en partant, son mari avait exigé qu'elle continuât de recevoir. Mon pauvre ami ne craignait rien tant que la réputation d'homme jaloux. Le fait est qu'il adorait Émilie et qu'il avait entière confiance en elle. Émilie continua donc de recevoir. D'ailleurs, les réceptions étaient intimes et la présence de sa mère ôtait au plus mauvais esprit tout prétexte de blâme. Aussi, personne ne s'avisa-t-il de dire un mot qui pût porter atteinte à sa réputation. Il y a 3 mois à peu près, M. de Château-Renaud se fit présenter. « Vous croyez au pressentiment, n'est-ce pas ? À son aspect, je tressaillis. » Il ne m'adressa point la parole. Il fut ce que doit être dans un salon, un homme du monde. Et cependant, lorsqu'il sortit, je le haïssais déjà. Pourquoi ? Je n'en savais rien moi-même. Ou plutôt, je m'étais aperçu que cette impression que j'avais éprouvée en voyant pour la première fois Émilie, il l'avait éprouvée lui-même. De son côté, il me semblait qu'Émilie l'avait reçue avec une coquetterie inaccoutumée. Sans doute je me trompais, mais je vous l'ai dit, au fond du cœur, je n'avais pas cessé d'aimer Émilie. Et j'étais jaloux. Aussi, à la prochaine soirée, ne perdis-je pas de vue M. de Château-Renaud. Peut-être s'aperçut-il de mon affectation à le suivre des yeux. Et il me sembla qu'en causant à demi-voix avec Émilie, il essayait de me tourner en ridicule. Si je n'avais écouté que la voix de mon cœur, dès ce soir-là, je lui eusse cherché une querelle sous un prétexte quelconque et me fusse battue avec lui. Mais je me contins en me répétant à moi-même qu'une telle conduite serait absurde. Que voulez-vous ? Chaque vendredi fut pour moi désormais un supplice. Monsieur de Château-Renaud est tout à fait un homme du monde, un élégant, un lion. Je reconnaissais sous beaucoup de rapports sa supériorité sur moi. Mais il me semblait qu'Émilie le mettait encore plus haut qu'il ne méritait d'être. Bientôt, je crus remarquer que je n'étais point le seul qui s'aperçut de cette préférence d'Émilie pour Monsieur de Château-Renaud. Et cette préférence s'augmenta de telle façon et devint enfin si visible qu'un jour Giordano, qui était comme moi un habitué de la maison, m'en parla. Dès lors, mon parti fut pris. Je résolus d'en parler à mon tour à Émilie, convaincu que j'étais encore qu'il n'y avait de sa part que de l'inconséquence, et que je n'avais qu'à lui ouvrir les yeux sur sa propre conduite pour qu'elle en réformât tout ce qui, jusque-là, avait pu la faire accuser de légèreté. Mais à mon grand étonnement, Émilie prit mes observations en plaisanterie, prétendant que j'étais fou et que ceux qui partageaient mes idées étaient aussi fous que moi. J'insistai. Émilie me répondit qu'elle ne s'en rapporterait pas à moi dans une pareille affaire et qu'un homme amoureux était nécessairement un juge prévenu. Je demeurai stupéfait. Son mari lui avait tout dit. Dès lors, vous le comprenez, mon rôle, envisagé sous le point de vue d'amant malheureux et jaloux, devenait ridicule et presque odieux. Je cessai d'aller chez Émilie. Quoiqu'ayant cessé d'assister aux soirées d'Émilie, je n'en avais pas moins de ses nouvelles, je n'en savais pas moins ce qu'elle faisait, et je n'en étais pas moins malheureux. Car on commençait à remarquer les assiduités de M. de Château-Renaud près d'Émilie et à en parler tout haut. Je me résolus à lui écrire. Je le fis avec toute la mesure dont j'étais capable, la suppliant au nom de son honneur compromis, au nom de son mari absent et plein de confiance en elle, de veiller sévèrement sur ce qu'elle faisait. Elle ne me répondit pas. Que voulez-vous ? L'amour est indépendant de la volonté. La pauvre créature aimée et comme elle aimait, elle était aveugle, ou plutôt, voulait absolument l'être. Quelque temps après, j'entendis dire tout haut qu'Émilie était la maîtresse de monsieur de Château-Renaud. Ce que je souffris ne peut pas s'exprimer. Ce fut alors que mon pauvre frère éprouva le contre-coup de ma douleur. Cependant, une dizaine de jours s'écoulèrent, et sur ces entrefaites vous arrivâtes. Le jour même où vous vous présentâtes chez moi, j'avais reçu une lettre anonyme. Cette lettre était de la part d'une dame inconnue qui me donnait rendez-vous au bal de l'Opéra. Cette dame me disait qu'elle avait certains renseignements à me communiquer sur une dame de mes amies, dont elle se contentait pour le moment de me dire le prénom. Ce prénom était Émilie. Je devais la reconnaître à un bouquet de violettes. Je vous dis alors que j'aurais dû ne point aller à ce bal, mais, je vous le répète, j'étais poussée par la fatalité. J'y vins. Je trouvai mon domino à l'heure et à la place indiquée. Il me confirma ce qu'on m'avait dit, que M. de Château-Renaud était l'amant d'Émilie, et comme j'en doutais, ou plutôt, comme je faisais semblant d'en douter, il me donna cette preuve que M. de Château-Renaud avait parié qu'il conduirait sa nouvelle maîtresse souper chez M. D. Le hasard a fait que vous connaissiez M. D, que vous étiez invité à ce souper, que vous aviez la faculté d'y mener un ami, que vous avez proposé de m'y conduire et que j'ai accepté. Vous savez le reste. Maintenant, que puis-je faire autrement, sinon que d'attendre et d'accepter les propositions qui me seront faites? Il n'y avait rien à répondre à cela. J'inclinai donc la tête. Mais, repris-je au bout d'un instant avec un sentiment de crainte, je crois me rappeler, je me trompe, j'espère, que votre frère m'a dit que vous n'aviez jamais touché ni à un pistolet, ni à une épée. C'est vrai. Mais alors, vous êtes à la merci de votre adversaire. Que voulez-vous ? Dieu y pourvoira.